me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment clarifier le concept de démocratie à l'ère des scepticismes triomphants, demande la philosophe Claudine Tiercelin. Quelles ont été les remises en cause de la position classique sur la démocratie ? Comment les critiques se sont-elles généralisées après les désenchantements du XXe siècle et dans le contexte de grand scepticisme qui marque notre temps ? Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, normalienne passée par Berkeley, qui a été enseignante-chercheuse à Paris et à New York, nous entraîne dans une grande et stimulante enquête, à la fois en logicienne et en philosophe analytique, sur les relations que l'on peut ou non tisser entre les trois concepts de connaissance, vérité et démocratie. Ces trois concepts, plus complexes les uns que les autres, forment aussi le titre de la série de cours qu'elle a donnée en 2017, chaque cours étant divisé en deux parties d'une bonne heure, dont nous vous proposons de très larges extraits. Aujourd'hui, Claudine Tiercelin s'attache, après avoir noté la déflation du concept de vérité, et après avoir proposé sur plusieurs cours un travail de clarification de cette notion décriée de vérité, donc Claudine Tiercelin s'attaque à la clarification cette fois-ci du concept de démocratie de l'époque moderne à aujourd'hui, toujours à l'appui de citations bien choisies et données avec passion de Tocqueville à Kelsen. Dans la présentation de son cours, elle rappelle, et je la cite, « comment vérité et démocratie vont de pair ». La démocratie, écrit-elle, a besoin de la vérité, et la libre expression de la vérité suppose un espace authentiquement démocratique. Mais en revenant sur certains aspects de l'histoire du concept de démocratie, on montre, écrit-elle encore, aussi l'insuffisance d'une approche purement antilibérale, celle par exemple d'un Carl Schmitt, formelle ou juridique, celle d'un Hans Kelsen, et l'approche réaliste du concept de démocratie, celle de Joseph Schumpeter. La réflexion s'achève sur les difficultés du modèle agrégatif de la démocratie présente dans les théories du choix social, réflexion que nous retrouverons d'ailleurs dans le cours de demain. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 22 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie, aujourd'hui le concept de démocratie, aspects historiques. Un mot tout d'abord, naturellement, sur la difficulté conceptuelle évidente qui entoure le terme de démocratie. Ce n'est pas l'intention, vous l'imaginez bien, d'en cerner dans ce cours toute la complexité sur laquelle Pierre Rosanvallon, en ces lieux même, s'est longuement penché depuis des années dans tous ses travaux. Juste un mot simplement pour rappeler, comme l'a excellemment souligné Bernard Manin, et je vous renvoie notamment à son ouvrage classique « Principe du gouvernement représentatif », que notre concept de démocratie moderne va désormais de pair avec l'idée d'un régime fondé sur des élections libres et compétitives, sur le modèle du gouvernement représentatif imaginé par ses fondateurs, Madison ou Sieyès, et qu'il s'inscrit pour une bonne part à l'opposé de la conception des cités antiques, plus proche d'une forme de démocratie entre guillemets directe, il y aurait beaucoup à dire bien sûr sur ce point, une forme de démocratie directe et privilégiant le tirage au sort pour désigner ce à quoi sont confiées des tâches exécutives. On se souvient au passage de la condamnation platonicienne de la démocratie dans la République. La démocratie ne saurait constituer un modèle de politéia, car c'est un régime informe, une sorte de mélange composite constitué à partir des autres régimes existants, un régime incohérent et instable, incapable de se réfléchir et dont la diffusion est due non à une quelconque excellence, mais à la puissance de séduction qu'il exerce, liée à la permissivité totale et au libre cours des désirs qu'elle autorise, ce qui l'entraîne inéluctablement vers un régime de servitude radicale, celui de la tyrannie. Comment donc ne pas ouvrir notre réflexion sur le concept de démocratie en rappelant, comme nous l'avons fait pour le concept de vérité, sa redoutable équivocité dont témoigne au premier chef l'histoire. Il n'empêche, comme le note fort justement Florent Guénard dans « La démocratie universelle », publié l'an dernier au Seuil, donc dans ce livre récent qu'il a consacré au problème que soulève aujourd'hui le concept de démocratie, mais aussi celui de la légitimité ou non de l'idéal démocratique et des projets qui vont souvent de pair avec lui de démocratisation ou encore d'expansion démocratique au nom d'un certain universel, si l'on a raison d'émettre donc des doutes sur la possibilité de se livrer à des réflexions de nature en quelque sorte transversale sur la démocratie, puisque le terme désigne des réalités institutionnelles différentes, voire opposées, l'objection n'est qu'en partie justifiée. Car le terme de démocratie, je le cite, page 17, ne désigne pas seulement une organisation des pouvoirs, mais renvoie à l'intention qui préside à son instauration. La démocratie est un régime où la société tout entière se fait sujet politique, inventant les formes par lesquelles elle entend se gouverner. Fin de citation. Et même si, je cite encore, nous pouvons définir un tel projet de bien des manières, et Florent Guénard rappelle ici quelques-unes des définitions qui ont été, au cours des années passées, proposées, par exemple, auto-institution explicite et lucide des institutions sociales, pour reprendre la définition de Castoriadis, mode de subjectivation de la politique, pour reprendre celle de Jacques Rancière, droit de l'homme à la politique, pour reprendre cette fois celle de Étienne Balibar. Dans tous les cas, il s'agit bien de désigner un rapport très précis de la société à elle-même qui organise l'espace politique de telle sorte, comme le souligne Tocqueville, qu'il n'y ait, je cite, « de puissance qu'en son sein ». Dans la démocratie, la société agit par elle-même et pour elle-même, comme l'écrit Tocqueville au livre 1 du tome 1 de la démocratie en Amérique, chapitre 4, page 120 dans l'édition Garnier-Flammarion. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre la souveraineté du peuple comme une action de soi sur soi qui a pris dans l'histoire des formes différentes, voire radicalement dissemblables. Toutes, bien sûr, ne peuvent être jugées de la même manière. Certaines sont sans doute plus démocratiques que d'autres. Certaines ne sont même des démocraties que de nom. Mais il n'empêche, le principe de la démocratie est bien que le peuple soit dans l'espace social la cause et la fin de toute chose, pour reprendre l'expression de Tocqueville. Deux questions importantes, vous voyez, doivent alors être posées. La première question étant celle de savoir comment ce principe, qui va souvent assez naturellement de pair avec une forme d'idéal démocratique, s'applique. Ce qu'il impose, par exemple, et notamment en termes de réalisation de l'égalité dans l'ordre social, question dont Pierre-Auzan Vallon a étudié les formes qu'elle a pu prendre au travers de l'histoire, notamment dans la société des égaux, et bien entendu, question qui intéresse au moins autant que le philosophe, l'historien et le théoricien des sciences politiques. Les voies aussi que ce principe a suivies et continue de suivre donc pour se diffuser. Quant à la deuxième question, c'est celle qui se pose en tout cas à celui qui, ne parvenant pas à se déprendre d'un attachement à un certain idéal démocratique, veut s'employer à déterminer ce que pourrait être un authentique modèle de démocratie. Et c'est ce qui fait du reste l'objet du livre de Florent Guénard, en se plongeant notamment dans la longue histoire des théories, moins de la démocratie que de la démocratisation, sur lesquelles se sont penchées nombre d'études récentes. Et cette question, c'est pourquoi nous allons la rencontrer de plein fouet, touche au moins autant qu'à la nature de la démocratie, à celle de sa légitimité et de sa justification. N'est-ce pas ? Donc autant de questions qui sont d'ordre au moins autant épistémologique que politique. C'est celle de savoir comment on peut répondre à plusieurs problèmes délicats, mais que nous sommes naturellement tenus aujourd'hui aussi d'affronter. Premièrement, la question de savoir, je cite Florent Guénard, s'il est possible de considérer la démocratie comme le meilleur des régimes ou le modèle du bon gouvernement, sans que l'on en fasse pour autant une forme politique exportable en tout temps et en tout lieu. Deuxièmement, s'il est également possible de considérer la démocratie comme universelle, sans pour autant juger qu'elle est généralisable, quelles que soient les circonstances historiques. Troisièmement, s'il est enfin possible de travailler à l'expansion de la démocratie, sans pour autant juger que la démocratisation suppose l'application d'un plan préétabli. Fin de citation. Alors ces questions, ou ce que Florent Guénard considère pour sa part comme des réserves, sont d'autant plus importantes qu'on peut légitimement considérer comme étrange, voire comme antidémocratique, toute tentative d'imposer au processus de démocratisation un télos préalablement fixé, comme s'il fallait nécessairement brider l'autodétermination des peuples dans une forme définie à l'avance. Page 13. En tout cas, c'est ainsi que s'explique le souci, tout à fait justifié, que l'on sent à présent, même chez ceux qui sont moins désireux de souligner la pluralité des modèles possibles de la démocratie ou la singularité irréductible de toutes les histoires, que de s'employer à donner corps à un universalisme démocratique, foncièrement issu des principes de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme, celui de réfléchir aux conditions de possibilité ou non d'application de ce modèle universaliste. Alors, c'est dans une telle perspective, foncièrement libérale, mais au sens donné, vous vous en souvenez, par Russell à ce terme, que, vous l'aurez, je pense, noté, je me place résolument. Cette position s'inscrit très largement dans la perspective de ce qu'on appelle la position classique sur la démocratie, héritière aussi bien de Tocqueville, la démocratie en Amérique date de 1835 pour le premier tome, de 1840 pour le deuxième, que de John Stuart Mill, considération sur le gouvernement représentatif date de 1861. Cette tradition revendique explicitement son universalité. Elle conçoit foncièrement aussi la démocratie comme l'avènement des droits de l'homme et du citoyen, et pense sa normativité comme étant sans limite et sans condition. Mais nous le savons, cette position a été aussi très vigoureusement malmenée au XXe siècle, sous les coups de boutoir que lui ont assénés tant les critiques du gouvernement représentatif que l'histoire elle-même, non seulement le désenchantement provoqué par la Première Guerre mondiale, mais aussi l'émergence des régimes totalitaires, issus tant du nazisme que du communisme, qui ont souvent conduit au pessimisme et à une rupture avec l'enthousiasme qui prévalait au siècle précédent. Mais quelques mots donc d'abord, si vous le voulez bien, des concepts et des thèmes auxquels on associe traditionnellement la position classique sur la démocratie. On peut dire, je crois, que l'on en trouve une excellente expression, au fond, dans ce passage de l'Ancien Régime et la Révolution, 1856, tome 1, chapitre 3, dans l'édition Garnier-Flammarion, page 105-106. Voici ce qu'écrit Tocqueville. « Toutes les révolutions civiles et politiques ont une patrie et s'y sont renfermées. La Révolution française n'a pas eu de territoire propre. Bien plus, son effet a été d'effacer en quelque sorte de la carte toutes les anciennes frontières. On l'a vu rapprocher ou diviser les hommes en dépit des lois, des traditions, des caractères, de la langue, rendant parfois ennemis des compatriotes et frères des étrangers. Ou plutôt, elle a formé au-dessus de toutes les nationalités particulières une partie intellectuelle, commune, dont les hommes de toutes les nations ont pu devenir citoyens. » Fin de citation. On voit assez clairement mis en évidence le principe d'universalisme qui anime une telle conception. Traiter l'homme indépendamment de son inscription dans une communauté nationale déterminée et à partir foncièrement de son adhésion volontaire par libre décision, consentement à la cité. C'est ce nécessaire détachement, cette passion de la France de l'universel, comme on a pu le dire, que l'on retrouve aussi dans le préambule, du reste, de la déclaration d'août 1789, qui entend bien se démarquer du modèle américain de la déclaration d'indépendance de 1776, jugée trop particulariste. Je cite « Les représentants du peuple français » constituée en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. » Peut-être cela vaut-il la peine de rappeler les trois dimensions que comporte foncièrement cette universelle qui, à peine formulée, comme on sait, sera contestée comme telle, puisque là où Tocqueville considère que la Révolution française n'a pas de frontières, les adversaires de la Révolution, ou ce qu'on a appelé les anti-lumières, verront dans l'universel de la déclaration non pas du tout la fin de l'histoire, mais un fait historique particulier, ou à tout le moins l'ambiguïté d'une déclaration universelle des droits énoncée par les représentants d'un peuple singulier. Trois dimensions, en tout cas, de cette universalité, dont se fait d'ailleurs l'écho Kant dans le conflit des facultés, de 1798, évoquant l'enthousiasme de ses contemporains pour la Révolution française, qui, je cite, « prouve l'existence d'une tendance morale de l'humanité, en ce qu'elle affirme le droit qu'a un peuple de ne pas être empêché par d'autres puissances de se donner une constitution publique à son gré, et met en place un régime républicain qui est propre par sa nature à éviter, selon des principes, la guerre offensive. » Fin de citation. Trois dimensions donc de cet universel que voit très bien Florent Guénard. Première universalité, celle du destinataire, tout d'abord, à savoir non le seul peuple français, mais l'humanité tout entière. Universalité de la source, en deuxième lieu, celle-ci étant l'émanation de la raison, entendue comme seule autorité possible, lorsqu'elle est bien conduite, et non pas du common sense. Ce sens commun, cette simple voie de la nature, qui, selon Thomas Paine, suffirait à se faire une bonne idée du gouvernement, au motif que, je cite, « plus une chose est simple, moins elle risque de se dérégler », ce que chacun comprend aisément. Le plus important étant, dans le cas de cet appel au common sense, comme l'a noté Jürgen Habermas, je cite, de se référer à ce que chacun peut comprendre et non de former l'opinion publique. Il importe de voir que le discours n'a donc pas pour source une invention des représentants. Les droits sont naturels, non posés par un législateur, ils sont déclarés et non décidés. Leur existence est considérée comme une vérité de raison à laquelle tout homme, lorsqu'il se débarrasse des préjugés qui encombrent son esprit, peut accéder. Troisièmement, enfin, universalité du contenu. Page 172 dans l'ouvrage de Florent Guénard, laquelle, à partir de la normativité qui se trouve ainsi instituée, non seulement ne dit pas quelles lois constitutionnelles sont légitimes, mais détermine beaucoup plus largement les conditions dans lesquelles une norme peut être légitime, assurant ainsi l'universalité de la légitimité politique. Puisque, à la différence de la déclaration américaine de 1776, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose une universalité en quelque sorte structurelle ou analytique, dont Burke, du reste, verra bien le danger qu'elle présente. L'influence seule de la France, telle qu'elle est, vaut une guerre, son exemple est plus dangereux qu'une invasion, écrira Burke dans ses réflexions sur la Révolution de France. Pourquoi dangereuse ? Parce qu'elle institue l'idée que tout homme a droit à la politique et peut donc aspirer à la libéralisation et à l'égalisation, ce qui consacre le droit de tous, en tout temps et en tout lieu, à la politique, mais aussi donne à chacun la possibilité juridique de contester l'usage du pouvoir. Idée sur laquelle insiste tant aujourd'hui, par exemple, le philosophe Philippe Petit, et dont il pense qu'elle doit être, cette liberté de contestation, n'est-ce pas, garantie et développée, non seulement par des procédures, mais plutôt que par le biais de la démocratie directe, ou par une suspicion permanente à l'encontre des gouvernants, par des institutions dédiées à la contestation a posteriori. J'y reviendrai. Sans naturellement entrer dans les détails et les difficultés d'interprétation de l'œuvre de Tocqueville et de Mill, sur lesquelles existe désormais un très grand nombre d'études profondes et riches, qu'il suffise simplement de rappeler pour l'intelligence générale du propos, que ce n'est pas sans raison si le libéralisme porté au XIXe siècle par leurs deux noms est considéré comme un moment décisif et dans la marche générale de la démocratie et par les philosophes politiques qui réfléchissent à la question de la démocratisation comme une inflexion décisive dans les débats sur ces questions. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que s'installe dans les esprits, comme l'a longuement et minutieusement analysé Bernard Manin, l'idée que le paradigme du régime démocratique, c'est celui du gouvernement représentatif, dont Mill tient du reste qu'il est l'héritier de la démocratie athénienne. Si Tocqueville cherche plus, pour sa part, à associer l'idée de démocratie à celle d'un État social égalitaire et souligne les dangers potentiels inhérents à un désir excessif d'égalité, et si Mill, de son côté, voit les dérives possibles du gouvernement représentatif et propose d'instaurer, mais comme un pis-aller temporaire, un vote plural, qui ne remet pas en cause le principe de la majorité et du suffrage universel, puisque tous doivent être électeurs, mais introduit tout de même des disparités entre eux, puisque tous les électeurs n'ont pas la même valeur. Deux votes ou plus devront être accordés aux individus dont on pense qu'ils ont des qualifications supérieures. Il n'empêche, tous deux voient dans la démocratie ainsi définie non pas un régime parmi d'autres, mais un universel auquel peuvent prétendre toutes les nations et qui est aussi porté par les progrès qui leur paraissent évidents de la civilisation moderne, une civilisation marquée, pour Stuart Mill en particulier, par les effets du commerce et l'accroissement qu'il permet de la prospérité et donc du bonheur, et donc par l'histoire universelle. La dimension morale et civilisationnelle, donc de la perspective, ne fait aucun doute. La démocratie est le meilleur gouvernement parce qu'elle est mieux à même, en faisant des hommes des citoyens actifs et non plus des êtres passifs, obéissant aux coutumes ou à un monarque, de développer les facultés naturelles que les hommes ont tous et partout en partage. Mais c'est aussi cela qu'on ne manquera pas et qu'on continue de ne pas manquer à reprocher à la conception classique, notamment parce qu'une telle vision des choses a aussi eu pour effet, comme l'a montré l'histoire, de favoriser, ou à tout le moins de ne pas s'y opposer, le colonialisme et l'impérialisme, et de juger par trop évident tout ce qui pourrait être de nature à favoriser l'expansion démocratique. Thème dont on sait qu'on le retrouve encore souvent dans certains discours et présenté par les politiques comme une évidence et comme un argument pour justifier tant de guerres et d'interventions. Souvenons-nous des propos tenus à propos de l'intervention en Irak. Comme on le sait, et sans entrer encore dans les détails, c'est cette position classique, mais aussi foncièrement optimiste, donc sur la démocratie, portée en quelque sorte par le mouvement naturel de l'histoire, qui s'est trouvée violemment remise en cause, tant en raison de critiques adressées au modèle même du gouvernement représentatif, que, peut-être plus encore, pour des raisons qui tiennent à l'histoire elle-même et aux conflits qui ont émaillé l'histoire du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, l'enthousiasme s'est trouvé sacrément émoussé. L'heure, très vite, n'est plus à l'optimisme, elle est bien davantage au réalisme. Et ce réalisme, on le sait, prend au moins deux formes. Sous une première forme, il se traduit carrément par une suspicion générale à l'endroit du modèle libéral de la démocratie, dont témoigne en particulier toute l'œuvre d'un Carl Schmitt, pour qui, ainsi qu'il en développe la thèse par exemple dans « Parlementarisme et démocratie », démocratie et libéralisme ont été abusivement confondues, au XIXe siècle. Les libéraux, parmi lesquels Schmitt range non seulement Tocqueville, mais aussi Guizot, Taine, Michelet ou Renan, ont eu le tort de réduire le concept de démocratie à une démocratie de l'humanité, à un concept anhistorique et sans contenu, de fonder leur optimisme démocratique sur un universalisme abstrait qui affirme l'égalité de tous les hommes. Lorsque son adversaire principal, la monarchie, a disparu, lequel nourrissait l'idéal démocratique, celui-ci s'est alors dilué, a perdu toute valeur et est devenu insignifiant. Et comme on le sait, pour Carl Schmitt, la démocratie est le domaine non d'individus, mais de l'homogène. S'il y a égalité, c'est seulement au sens où celle-ci se réalise au sein d'un peuple. Les démocraties se fondent sur des états-nations différenciés. Il n'est d'autre égalité substantielle que celle de citoyens appartenant à un ensemble politique homogène. Il s'ensuit une critique dévastatrice du modèle libéral de la démocratie, dont vous trouverez un excellent résumé au chapitre 6 de l'ouvrage de Fernand Guénard, Entre optimisme et réalisme. Très vite, pour Schmitt, les conditions d'exercice de la démocratie moderne, pensées selon le modèle des libéraux, ne sont plus réunies. La publicité de la vie politique, qui garantit la liberté d'opinion nécessaire au système de concurrence des jugements entre eux, la séparation des pouvoirs, le parlementarisme, qui constitue des principes fondamentaux de l'idéal démocratique libéral, ne peuvent plus être mis en œuvre. Je le cite, page 102 de Parlementarisme et démocratie, « L'évolution de la démocratie de masse moderne a fait de la discussion publique, avec ses arguments, une formalité vide. » Fin de citation. Je cite encore, « Les partis politiques sont devenus des groupes de pression qui s'affrontent pour le pouvoir et non pour que du débat libre surgisse une opinion générale. Les masses sont conquises par la propagande et non par l'argumentation. On joue pour les persuader sur les passions qui les animent. » Fin de citation. En d'autres termes, c'est le libéralisme qui fragilise la démocratie en se présentant comme sa forme moderne, c'est lui qui, en se plaçant dans un horizon universel, en dénature le principe. Et l'on sait aussi les conséquences qu'en tire pour sa part Carl Schmitt. L'expansion universelle de la démocratie marque pour les libéraux la fin des États-nations, rien de plus faux et de plus illusoire. Si la démocratie se définit par l'identité du dominant et du dominé, du gouvernement et du gouverné, de celui qui commande et de celui qui obéit, comme il est dit dans la théorie de la Constitution, page 372, alors il faut conclure que la dictature ne lui est pas opposée. Au contraire, elle contribue à former l'homogénéité nécessaire à l'existence d'un peuple. Bolchevisme et fascisme sont antilibéraux, mais non antidémocratique. Le césarisme, par l'acclamation, forme la volonté générale. Parlementarisme, page 115. Ce qui menace la démocratie, c'est sa confusion avec un parlementarisme devenu impossible dans une société de masse. C'est plus encore, on l'aura compris, l'individualisme considéré comme la promesse d'une extension universelle du gouvernement représentatif. Schmitt inverse donc la proposition des libéraux du siècle précédent, tout en montrant ses conséquences pour le temps présent. C'est la prétendue évidence du modèle libéral qui nuit à la démocratie, puisque plusieurs voies conduisent à celle-ci. On comprendra que Florent Guénard conclut cette analyse par ces mots, page 262, ses propos sont bien évidemment contestables. « Le Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, le concept de démocratie, aspect historique. Si l'on suit la deuxième forme possible de réaction induite par le désenchantement à l'égard de l'idéal démocratique classique, celle-ci se manifeste aussi, même si l'on continue à croire en l'idéal démocratique, par le besoin que l'on ressent désormais de revenir sur ce qui assurait jusque-là la légitimité de la démocratie, et de le faire donc sur la base d'autres principes. Au fond, on assiste un peu ici, pour la démocratie, à ce que nous avions déjà noté à propos du concept de vérité, à savoir qu'on juge désormais nécessaire de procéder, si vous voulez, à une sorte de déflation du concept de démocratie. Brièvement, il ne s'agit plus de prétendre avec les libéraux que la démocratie est en substance la meilleure forme possible de gouvernement, le lieu de vérités incontestables. On s'efforce d'en dégonfler, en quelque sorte, les prétentions substantielles, morales et encore plus métaphysiques. Nous en avons eu l'illustration en évoquant, vous en souvenez, la position de Hans Kelsen, qui, vous l'aurez compris, refuse pour sa part les conclusions de Schmitt sur la nature et la valeur de la démocratie, mais s'oppose aussi à lui sur la méthode à suivre qu'il juge purement conceptuelle ou définitionnelle et insuffisamment attentive aux limitations intrinsèques de l'idée démocratique. Mais bien que non conceptuelle, l'approche de Kelsen n'en signe pas moins le départ, elle aussi, d'une approche purement procédurale ou juridique et non substantielle de la démocratie, dont nous allons retrouver maintes traces dans presque la totalité des théories contemporaines de la démocratie, et en particulier dans la manière dont, précisément, elle souhaite s'affranchir du concept de vérité en préférant pratiquer une forme d'abstinence épistémique. Ce qu'il importe aussi, je crois, de bien voir, c'est que non seulement ce désenchantement s'applique à l'universalisme démocratique en tant que tel, mais qu'il s'accompagne aussi, voyez-vous, d'une réaction qu'on pourrait dire anti-idéaliste, mais aussi anti-intellectualiste, anti-philosophique aussi, d'une méfiance envers ce qu'on estime être des excès du rationalisme, qui se traduit par l'accent que l'on estime désormais nécessaire de donner à une approche qui se veut beaucoup plus descriptive et réaliste que normative dans les études consacrées à la démocratie. Le leitmotiv semble être, si vous voulez, désormais le suivant. Au fond, il faut tenir compte de la réalité, mieux la comprendre, penser à la manière dont on peut effacer l'écart qui se joue entre l'idéal démocratique, dont Kelsen considère du reste pour sa part que Rousseau en est peut-être le théoricien le plus considérable, n'est-ce pas, et sa réalisation au sein d'un État moderne. Et notamment, donc, penser mieux comment on peut construire un modèle de démocratie qui va pouvoir concilier, au fond, liberté et ordre social. Cette métamorphose de l'idée de liberté étant la première des transformations permettant une démocratie réelle, et la seconde portant sur l'idée de peuple, cette double transition permettant de résorber l'écart entre l'idéologie et sa réalisation. Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer, l'idéologie démocratique, précisément, ne peut être, pour cette raison même, pour Kelsen, que relativiste. La démocratie repose sur une concurrence permanente des opinions et ne peut donc avoir une valeur absolue. La volonté étatique prend des décisions qui ne reposent pas sur des principes définissant ce qui est bien, juste ou vrai. Cela reviendrait, pense Kelsen, à la confondre avec une conception autocratique, vous vous souvenez, ou métaphysico-absolutiste du monde, pour reprendre ces mots dans « La démocratie, sa nature, sa valeur », page 111. La démocratie n'est donc qu'une forme qui ne définit pas du tout le contenu des décisions publiques. Ce n'est qu'une méthode de création de l'ordre social et non le régime le meilleur, sauf à supposer, dit Kelsen, que, je cite, page 109, « le peuple et lui seul entre en possession de la sagesse par une voie surnaturelle ». D'où une double conséquence. Premièrement, la majorité, dégagée par la démocratie, ne peut prétendre à la vérité. Pas plus qu'il n'est possible de tenir le point de vue minoritaire pour définitivement erroné. La préférence qu'un État accorde à une valeur doit être considérée simplement comme le résultat d'une décision, non comme l'effet de la supériorité intrinsèque de cette valeur. Il faut donc défendre, vous l'aurez compris, une position positiviste du droit. En deuxième lieu, la démocratie ne peut être défendue comme une valeur absolue, ai-je dit. La démocratie n'est pas le régime le plus vrai, tout comme il n'y a pas non plus de vraie démocratie. On peut même dire qu'une démocratie, dit Kelsen, est relativement démocratique, puisqu'il faut assumer, n'est-ce pas, selon lui, ce fameux écart, cette fameuse distance entre l'idéal et la réalité. Mais la difficulté d'une position de ce genre est alors la suivante, comme j'avais déjà eu l'occasion de l'indiquer, et que voit bien aussi, je m'en réjouis, Florent Guénard. Je le cite, c'est ce qu'il écrit, page 268, « Si le relativisme moral ne pose aucune difficulté d'application, la réalité sociale démocratique prouve a posteriori qu'il fonctionne dans un régime parlementaire, le relativisme plus proprement politique pose un problème pour la démocratisation. Kelsen souligne qu'une démocratie est fragile lorsque ses prétentions sont excessives, qu'elles sont alors en contradiction avec la vie étatique. Mais réduite à une simple forme, comment peut-elle séduire les masses prêtes à suivre le socialisme ou le fascisme? Comment peut-on désormais convaincre que la lutte pour la liberté passe encore par l'expansion de la démocratie, puisqu'il faut absolument revenir sur la définition excessivement normative héritée du XIXe siècle du bon gouvernement. Cette difficulté, qui n'est pas mince à mon sens, n'est pas propre à la pensée de Kelsen, elle est consubstantielle au tournant réaliste pris par les théories de la démocratie au milieu du XXe siècle. C'est évidemment ce tournant réaliste, donc c'est la troisième étape dans le petit résumé que je voulais vous présenter, donc des principales étapes qui nous conduisent aux approches les plus contemporaines des théories de la démocratie. En tout cas, c'est ce tournant réaliste que l'on voit à l'œuvre, en particulier chez Joseph Schumpeter, tel qu'il l'exprime dans son livre de 1942, « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Et plus généralement, dans ce qu'il est d'usage d'appeler désormais les conceptions élitistes de la démocratie, qui chacune à leur manière vont remettre en cause la définition classique de la démocratie comme autogouvernement. Et c'est évidemment encore l'histoire réelle et notamment le constat de la facilité relative avec laquelle ont pu arriver au pouvoir les nazis ou les fascistes, qui sont principalement à l'origine des doutes que soulève la réalisation effective de l'idéal démocratique. Affolé par la capacité qu'ont des citoyens finalement apathiques, ignorants, mal ou surinformés, à se laisser manipuler, Schumpeter s'interroge en effet sur le bien fondé de la méthode qui se dégage de la conception traditionnelle de la démocratie héritée du XVIIIe siècle, comprise donc selon la formule classique comme, je cite, « une technique institutionnelle de gestation des décisions politiques qui réalise le bien commun en chargeant le peuple lui-même de faire pencher le plateau de la balance en élisant des individus qui se réunissent ensuite pour accomplir sa volonté. » Page 329-330. On peut à l'évidence se demander si cette définition n'est pas caduque, puisqu'elle ne correspond plus à tout le moins à la réalité sociale. Mais on peut plus largement, et on avait déjà vu cette position à l'œuvre chez Kelsen, qui soulignait donc l'écart entre idéal et réalisation, si elle n'est pas tout bonnement fausse, puisqu'au fond, elle n'a jamais vraiment correspondu à la réalité sociale. Observons en effet, note Schumpeter, la façon dont, dans nos gouvernements représentatifs contemporains, se comportent les électeurs. On voit bien que ce fameux bien commun sur lequel se fonde l'idéal démocratique porté par la définition classique n'est pas, dans leur esprit, clairement identifiable. Au demeurant, comment pourrait-on se mettre rationnellement d'accord sur quelque chose comme l'intérêt général, s'interroge Schumpeter, page 311 de Capitalisme, socialisme et démocratie. Et même en admettant que l'on puisse tomber d'accord sur les fins, par exemple, la maximisation de son intérêt, ce qui ne va déjà pas de soi, on sait aussi fort bien que les avis divergent le plus souvent sur les moyens d'y parvenir. Comme le dit Schumpeter, page 332, même si la santé était souhaitée par tous, les citoyens continueraient à différer d'avis sur les mérites de la vaccination et de la vasectomie. Force est donc de faire le constat d'un pluralisme des valeurs irréductibles et aussi de certains éléments assez peu contestables de la psychologie des foules. Fragilité de la volonté rationnelle du peuple, facilité avec laquelle le citoyen typique se laisse manipuler. Mais comment faire alors ? Lorsque l'on considère dans le même temps, d'une part, que l'échec du capitalisme est déjà programmé, notamment par la dépersonnalisation du processus d'accroissement des richesses qui le définit et qui en vient à défaire ce qu'il a rendu possible, l'évolution capitaliste, écrit Schumpeter, page 190, après avoir détruit le cadre institutionnel de la société féodale, est en voie de miner par une action très analogue son propre support, fin de citation, et que l'on considère d'autre part que la progression du socialisme, je cite, ce système institutionnel, par ailleurs tout à fait cohérent et rationnel, dans lequel une autorité centrale contrôle les moyens de production et la production elle-même, fin de citation, page 224, est une donnée, pense-t-il, tout aussi inéluctable, même si, pour sa part, il ne s'y rallie pas. Eh bien, il faut pour ce faire, du moins si l'on veut pouvoir sauver ce qui peut l'être de la démocratie, en évitant donc et les illusions libérales et les illusions marxistes et socialistes, revoir de fond en comble l'idée que l'on s'en fait, et notamment cesser de la voir comme un idéal, précisément. C'est cet idéalisme qui revient notamment à hypostasier une notion de peuple conçue comme substantielle. C'est celle qui se dégage des théories contractualistes de la souveraineté, celle du Rousseau du contrat social, qui fait du peuple un sujet éclairé, à qui revient de droit l'autorité politique, mais aussi celle qui s'est ensuite développée sous l'impulsion de l'utilitarisme de Bentham et de Stuart Mill, alors qu'il faudrait surtout se souvenir que le peuple, le populus, se définit toujours dans les termes des décisions qui ont été prises par la majorité. Il faut donc redéfinir la démocratie comme la simple méthode politique qu'elle est, à savoir, je cite, « le système institutionnel aboutissant à des décisions politiques dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. » Page 355. Je vous renvoie donc au résumé de toutes ces analyses dans l'ouvrage de Guénard, page 276-277. Bon, vous voyez qu'une telle définition permet, dans l'esprit de Schumpeter, de laisser aux citoyens une capacité de commandement, mais en même temps, sans leur laisser trop d'initiatives, ce qui pourrait se révéler une menace pour la démocratie. Les citoyens, ce sont donc d'abord des électeurs dont le rôle essentiel est de choisir un gouvernement, mais aussi, le cas échéant, de le contester et de le révoquer. Ce n'est donc que de manière très exagérée que l'on définit la démocratie, en tout cas, comme le veut la tradition classique, comme le gouvernement du peuple par le peuple. Il faut plutôt dire que les pouvoirs du peuple se limitent à sa capacité à accepter ou à écarter les individus appelés à gouverner. C'est là le règne du politicien, normé par la libre concurrence entre les candidats qui cherchent à gagner le vote des électeurs pour accéder au poste de commandement, situation que nous connaissons parfaitement en ce moment. Comme vous le voyez, peu à peu se dégage une conception de la démocratie, essentiellement entendue désormais comme un jeu concurrentiel. Et ce n'est pas un hasard si on retrouve une telle orientation chez les théoriciens de la démocratie qui vont s'inscrire dans l'héritage de Schumpeter, comme c'est le cas, par exemple, d'Anthony Downs, An Economic Concept of Democracy, qui n'hésite pas à appliquer au domaine politique les catégories et le modèle du marché économique. Comment considérer les partis politiques ? Comme des entreprises qui se livrent à la concurrence et à la compétition pour vendre leur politique à un marché de citoyens qui ne sont plus que des consommateurs. Mais vous noterez au passage qu'une telle approche, à la différence des approches élitistes, s'inscrit pour sa part plutôt dans une démarche rationaliste et foncièrement optimiste. En tout cas, on ne considère pas que les choix des individus sont des choix nécessairement irrationnels. Sans doute, la rationalité qu'ils suivent n'est-elle pas optimale, mais elle est bien présente. Dans un cas comme dans l'autre, toutefois, le profil de citoyen, si vous voulez, qui se dégage de ces conceptions, est bien celui d'un consommateur passif, beaucoup plus que celui d'un citoyen actif. Et la politique se présente essentiellement comme le champ permanent de conflits d'intérêts, d'une lutte concurrentielle, bien plus que comme celui de ce qui caractérisait la position classique, à savoir la recherche du bien commun. Comme on l'a fait remarquer, la figure du citoyen est caractérisée par une telle passivité que le simple fait de voter devient une énigme, les coûts induits par le vote dépassant les bénéfices que l'on peut en attendre. C'est le fameux paradoxe de l'électeur. Dans ce cadre, l'apathie, mise en exergue par les optiques élitistes, est plutôt présentée comme une forme d'abstention rationnelle. À côté des modèles élitistes que je viens d'évoquer, et j'en viens aujourd'hui à la quatrième approche de ce paradigme foncièrement agrégatif, qui commence, vous voyez, ainsi à se faire jour, une autre approche de la démocratie participe en effet de ce que donc on a pu appeler la domination du paradigme agrégatif. Il s'agit des théories du choix social. Bon, très rapidement, et pour finir, quelques éléments quand même extrêmement importants pour bien mesurer l'importance dans les approches contemporaines de la démocratie, des théories du choix social, et en même temps les difficultés qu'elles présentent et auxquelles, donc, j'espère, nous pourrons essayer d'apporter une forme de réponse. La structure la plus complète de la théorie du choix social, vous le savez sans doute, a été formulée par le remarquable Kenneth Harrow. Je vous renvoie notamment à son livre classique « Choix collectif et préférences individuelles » paru en 1974 chez Kalman Levy. Le présupposé majeur des théories dites du choix social, c'est que chaque individu agit selon ses propres préférences. Des préférences dont il est le meilleur juge, le régime démocratique étant alors le régime le plus efficace pour satisfaire les dites préférences. Mais dans un article qui a fait date en 1986, publié dans le recueil de textes « La démocratie délibérative », anthologie de textes fondamentaux, texte réuni par Charles Girard et Alice Le Goff, dans ce texte donc « Le marché et le forum », Jon Elster met bien le doigt sur les difficultés que soulève une telle conception des préférences. Par ailleurs, ajoute Elster, la substance de la théorie du choix social nous est donnée dans une série de théorèmes, d'impossibilités ou de solutions exclusives de tout autre. Ces théorèmes affirment soit qu'un sous-ensemble donné de ces conditions n'est pas susceptible d'être simultanément satisfait, soit qu'ils décrivent de manière originale une méthode spécifique d'agrégation des préférences. Toutefois, observe-t-il, on a accordé beaucoup d'importance au théorème d'impossibilité et sans doute trop. En effet, selon lui, il dérive pour une large part de la rareté des informations disponibles portant sur les préférences, c'est-à-dire du fait que l'attention se concentre exclusivement sur le classement ordinal des préférences. Il est vrai que dans l'état actuel des choses, nous ne savons guère aller au-delà de l'ordinalité. Les échanges abusifs de bons procédés et la corruption électorale nous permettent de saisir certains aspects cardinaux des préférences, mais cela ne va pas sans certains coûts. Cependant, même si l'on parvenait à surmonter les obstacles conceptuel et technique à la comparaison intra- et inter-individuelle des préférences du point de vue de leur intensité, il resterait encore, dit Elster, de nombreuses objections à l'approche en termes de choix social. Et donc, c'est à ces objections que je m'intéresserai la prochaine fois. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 22 mars 2017 la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, le concept de démocratie, aspects historiques. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. La philosophe a notamment publié « Le ciment des choses, petit traité de métaphysique scientifique réaliste » aux éditions Ithac en 2011. Et je rappelle également son ouvrage « Le doute en question » publié pour la première fois en 2005 et qui a été publié à nouveau en 2016, augmenté d'une postface. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons la grande enquête de Claudine Tiercelin sur les relations entre démocratie et vérité. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Bonne journée à l'écoute de France Culture.